Toi qui viens du soleil, cette fontaine de merveille, tu débarques un peu perdu dans cette chambre tout menu. Une nouvelle situation et tant de sensations, des émotions, un corps, quel troublant décor. C'est ta vie rêvée, celle pour de vrai, celle qui t'est offerte. C'est ta vie rêvée, elle est choyée, prête pour la fête. C'est ta vie rêvée, celle pour de vrai, celle qui t'est offerte. C'est ta vie rêvée, bienvenue dans ta découverte. Elle t'emmènera dans des labyrinthes, codera des signes dans des parchemins. Elle te dira des rêves insolites, dans l'interstice invisible de tes yeux. Elle te fera comprendre le terrien, te fera prendre 100 000 chemins. Du simple essai au sillon gravé, c'est de ta vie qu'on parle, ta vie rêvée. La fleur te dresse un décor parfait, décoloré, léger, embaumé. Et c'est ta vie qu'on suit en secret, dans tes regards, les sons, tes impressions. Ton terrain de jeu sera des plus beaux, des animaux, des roches, des cours d'eau. Marquera ta route de signes magiques, c'est de ta vie qu'on parle, on l'illumine. Elle te fera connaître ta famille, goûter la richesse de tes amis. Fera t'unir avec ton âme sœur, et ton enfant de vie suivra en cœur. C'est ta vie rêvée, celle pour de vrai, celle qui t'est offerte. C'est ta vie rêvée, elle est choyée, prête pour la fête. C'est ta vie rêvée, celle pour de vrai, celle qui t'est offerte. C'est ta vie rêvée, bienvenue dans ta découverte.